trouve ma peine dans ce qui est fragile. Le monde pleure mais qui m'entend? La peur nous imagine, elle tape très fort depuis longtemps. Maintenant non, je n'ai même plus de pays. Et plus personne ne nous regarde, ne voit que des bonhommes en treillis. C'est mon village que l'on bombarde. Bloquez-les. Bloquez-les, bloquez-les, allez-y, bloquez-les. Ils m'ont fait souffrir, donc bloquez-les. Bloquez-les, bloquez-les, allez-y, bloquez-les. Ils m'ont fait souffrir, donc ce soir, ne vois que des bonhommes en treillis. C'est mon village que l'on bombarde. Vu que ma colère est trop pénible, dis-leur non qu'on n'est pas sauvage. Mais à force de vivre que des cauchemars, on ne peut rêver que du bonheur. Loin de tous ces chefs en costard, car derrière ça il y a des meurtres. Le monde joue le sourd quand on l'appelle. Ce soir tu es libre donc sauve qui peut. Les yeux bandés, oui, quand je cache ma peine, allez-y pendez-les. Non, je pense à Dieu, même si la rage nous pousse. Je vais tempérer, je vais tempérer. La corde au cou, soldat, vas-y, mets-toi debout. La hache de guerre ce soir, on va l'enterrer. Bloquez-les. Bloquez-les. Bloquez-les. Allez-y, bloquez-les. Ils m'ont fait souffrir, donc bloquez-les. Bloquez-les. Bloquez-les. Allez-y, bloquez-les. Ils m'ont fait souffrir, donc ce soir, demi-portion. La vie est courte, frérot. Ah.